7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dieu, la planète et la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. De retour, Francky dans la radio. On est là jusqu'à 9h. Malheureusement, sous la pluie ce matin. Et ouais, ça va se calmer normalement ce début d'après-midi. Les températures relevées du jour, 11 degrés. On ne dépassera pas les 20, 21 degrés. Mais le soleil devrait faire son apparition en début d'après-midi. Et la pluie devrait repartir en fin d'après-midi. Revenir demain peut-être, mais très légèrement. En tout cas, ce matin, c'est pluie au réveil. Mauvaise nouvelle. À 7h01, on est en direct comme d'hab, comme tous les matins. Et ça me fait plaisir de vous retrouver ce 6 juin. Bonne fête à Elodie, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Pas une bonne fête. Hein. Elodie, qui a 41 ans. Voilà, happy birthday, Elodie. Ça me fait plaisir de te retrouver. Big Ali, qui arrive avec José Del Rico et le petit remix de la radio. On est là, c'est Francky, jusqu'à 9h en direct. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Et puis le petit standard remix de la radio du matin. Big Ali, José Del Rico, le Jules Remix. Et on adore. 7h01 minute. Belle journée et bon réveil. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora, ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín, ilusamente yo a ti me acercaba. Tu aroma yo sentí, ante tu nombre me dijiste bella. Es esta realidad, tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame, te quiero yo decir, escúchame con sabiduría, lo que yo siento por ti. Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido, por eso te pido que vuelvas, y simplemente quiero decirte que... Tú, sur 9h. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. La pluie. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Bah oui, on vous réveille tous les matins. 02 38 43 48 00, c'est le numéro. Lucien là, si vous voulez nous joindre. Lolo qui nous a envoyé un petit message sur Facebook. Salut Francky, merci d'être là malgré la pluie. Merci de nous amener ta bonne humeur. Bah ouais, on est là pour la bonne humeur, la chaleur. Il ne sera pas là, mais le soleil devrait faire son apparition tout à l'heure, jeudi dans l'après-midi. Et ça, ça fait du bien au moral. Love's on you. À 7h10, la version salsa, et on l'adore. On va être là. Salut à Pascal qui est connecté sur Orléans. Salut mon Pascal, belle journée à toi. La Sonio. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de Dios, que lo sé yo. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven, cause I don't know how. Quédate y déjame.

avec ce matin, ex-membre du groupe Téléphone, Louis Bertignac, les visiteurs. Ces idées-là, belle journée, bon petit-déj et bonne douche ce matin. La météo. Et c'est vrai que la douche, ça va dans les deux sens, hein. Côté météo extérieur, ça tombe. En ce moment, ça pleut. Malheureusement, la pluie est bien présente. Au moins jusqu'à 13h, le soleil devrait faire son apparition début d'après-midi. Les températures 11 à 21 degrés. Belle journée, bon petit-déj. Toute la famille de Maldon, Louis Joseph, Linsa, Sweetie. Le coup de l'eau pour bien vous sortir du lit sous la grisaille d'Orléans avec Lucenzo.

attiser les flammes de la nuit, éloigner le feu de l'ennui, faisons que nos rêves deviennent réels. En direct ce matin, 7h45, Mi Amor, Jessie Matador. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Cocorico, Bondi à la planète et la famille, j'espère que vous allez bien. 7h45 minutes, coucou à Edouard qui est connecté du côté d'Olivier. Salut Francky, belle journée sous la flotte ce matin. Oui, mais le soleil devrait normalement arriver en début d'après-midi. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, la bonne encore, c'est Alex Lebaye. L'Orléanais sera en concert du côté de Changi, c'est jeudi. Si vous voulez connaître l'endroit et le lieu, eh bien vous m'appelez 02 38 43 48 00. Ça se trouve, je vais vous inviter à la soirée. Pourquoi pas, jeudi, Alex Lebaye, vous l'adorez. Il cartonne en ce moment, il arrive tout de suite. Alex Lebaye sur Radio Arc-en-Ciel. Ce mec, Alex Lebaye, sur Orléans, c'est jeudi. Si vous voulez connaître le lieu et l'endroit et la date, eh bien, appelez-moi 02 38 43 48 00. Fiesta Loca, l'album est dans les bacs. Voici le nouvel extrait, Arriba Futuro, le collectif métissé. Arriba. Profiter de l'été, du ciel bleu, des palmiers, de la verre. Giacchino. One ticket, please. Now, I'm going to see everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Trying to do 24 karat magic in the air. check. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. What y'all trying to do? C'est le meilleur de la musique avec Bruno Mars et 24 Magic. Belle journée sous la pluie malheureusement et le soleil devrait arriver en début d'après-midi. Les températures 11 à 20, 21 degrés. Voilà, c'est le maximal sur Orléans, Poitiers, Saint-Yves, Chingy, encore Mas-sur-Loire. Belle journée, bon petit déj, bonne douche à vous parce qu'il pleut en ce moment. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est France. On me réveille tous les matins avec des infos, avec de l'actu, avec plein de choses, et des bonnes nouvelles aussi, des mauvaises. Et puis, on ira du côté de Saint-Yves tout à l'heure à 8h et quart, avec, vous savez, une usine qui a brûlé. Malheureusement, c'était le 30 janvier dernier. Elle sera avec nous au téléphone pour nous expliquer pourquoi l'usine ne réouvre pas, les pourquoi du comment, quelles sont les difficultés en ce moment. Marie-Laure Regnault sera avec nous, la secrétaire CSE, en direct depuis Saint-Yves, ça sera à 8h15. Ne loupez pas ce rendez-vous, surtout pour même leur filer un petit coup de main. Ça peut aider, même comme ça, passer les voir, les saluer. Ils en ont besoin, c'est bien d'aider son prochain. C'est ce que disait Jésus dans la Bible. Heureux d'être là, Céline Dion qui arrive et bonne année, Rasputin, belle journée, bon réveil. Thank you. 7h01 minutes avec Luck Canada, Céline Dion, prière païenne. Belle journée, bon petit déj à vous si vous arrivez du côté d'Orléans, Saint-Privé, Olivet ou Orléans-la-Source, on est en direct. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et le tribunal aujourd'hui passe devant Ménès et Platini, devant le tribunal procès du 13 novembre dernier. Les 5 infos à connaître ce matin. L'ex-chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, est jugé pour agression sexuelle et l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, l'est pour escroquerie. Voilà, donc résultat dans quelques minutes ou quelques heures. Du son carré avec le meilleur des souvenirs. Bonnie M, Rasputin. Et on aura aussi sur les MMT Cuba Club sur la radio couleur. Belle journée et bon réveil. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Suave, suave, genia. Suave, suave, suave, echate pa' acá. Suave, suave, suave, suave. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Give me something all that I need. Now I want you to come home with me. Baby, when I look at your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. It's going down, don't change. Don't hurry now, let me feel your soul. Kiss me a little bit, suavemente, so I need it. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suavemente. C'est original et c'est vrai que ça fait plaisir de le réécouter. Elvis Crespo avec Suavemente. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans. Bah justement, il pleut, donc on est bien dedans. 8h06 minutes, le meilleur de la musique pour bien vous réveiller. Et puis, direction Saint-Yves dans moins de 10 minutes avec l'usine Sirtec qui a brûlé malheureusement le 30 janvier dernier. On parle un petit peu pour savoir ce qui se passe là-bas. Voici le son Latina avec Despacito. playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi cinto se quede contigo. En 8 minutes en direct à la radio, ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est Francky comme tous les matins depuis presque 10 ans. Bah, on est là avec vous en tout cas pour vous souhaiter une belle journée. Et puis bientôt la fête des saints populaires, la grosse fête de la radio, ce sera le 9 et 10 juillet prochain. Bientôt on va vous révéler les artistes qui seront sur scène. Un week-end à ne pas louper, 9 et 10 juillet prochain, comme d'habitude, à Fleury les Aubrais, à Lignol, du son souvenir pour vous rappeler quelques bons moments avec le meilleur des Boney M et Rasputin. Avec Francky. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía, y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía, y la novia siento tuyo, que eres una porquería. Te caliento más. ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas de sin maquillar. Tú siempre a mí me dices que te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo una inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que eres una. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche, quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes. Arc-en-ciel en direct ce matin depuis Orléans, Pithiviers ou encore Gien, vous nous écoutez sur le 96.2 FM. Merci d'être là depuis 34 ans, on est heureux de vous retrouver comme tous les matins, 7h-9h, c'est Francky dans la radio. Radio Arc-en-ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah oui, direction Saint-Yves, vous savez, enfin, si vous n'êtes pas encore au courant, on vous le redit et re-redit. Depuis le 30 janvier dernier, l'usine Sirtec a brûlé, malheureusement, mettant au chômage beaucoup de monde. Des questions se posent. Va-t-elle réouvrir? Le pourquoi du comment, justement, on va le savoir. Elle est avec nous en direct depuis chez elle, d'ailleurs. C'est Marie Laure, secrétaire CSE, Madame Rayo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va, on fait avec malgré le mauvais temps déjà. Ça c'est. Déjà, oui. Alors hier on a eu un beau soleil et aujourd'hui de la pluie. Bon, mais le soleil devrait revenir normalement cet après-midi. Marie-Laure Regnault, secrétaire CSE, donc l'usine Sirtec située à Saint-Yves. Quelle était l'activité de l'usine? Nous fabriquions des circuits imprimés, donc pour. Tout ce qui est le rafale, nous sommes sur Mars, nous avons envoyé un circuit à nous sur Mars. Ah oui? Oui, nous travaillons pour l'armée, le spatial, l'aéronautique. Mmh. Et le 30 janvier dernier, malheureusement, l'usine a pris feu, a brûlé, détruisant quasiment toute l'usine, on va dire. Hein? Oui, toute l'usine, oui. Donc aujourd'hui, la situation, donc vous êtes au chômage technique. Partiel, voilà. Donc, c'est-à-dire que vous êtes quand même, vous êtes payé, mais vous ne travaillez pas. Et dans l'incertitude, on va dire, sur la réouverture de cette usine. Ah oui, complètement. Et puis, de toute façon, on n'a pas de réponse de nos dirigeants. En fait, on est laissé à l'abandon depuis que l'usine a brûlé. Une petite réunion de temps en temps, mais sans rien de concret derrière. Ouais. Donc, on est 71 personnes dans l'inquiétude. Ouais, normal. Et vous lancez des appels aujourd'hui à la direction, aux actionnaires. Comment vous communiquez entre vous et ces actionnaires? Nous nous réunissons tous les jours devant Sirtec et on nous dit pas nous partout et on essaye de faire voir qu'on existe encore. Ouais, bien sûr. Quelles sont leurs réactions aujourd'hui, à l'heure où on se parle? Quelles sont les nouvelles qu'ils vous donnent, si vous communiquez? Aucune. C'est-à-dire, vous communiquez comment? Par mail, par téléphone? Vous avez qui en, vous avez réussi à avoir qui au téléphone ou par mail? Ah, on n'a personne, on a juste notre directeur de site Sirtech, mais bon, il n'en sait pas plus que ça. Ouais. Donc, le groupe Tikeo Elvia ne nous donne aucun renseignement. Aucun renseignement, ouais. Et le directeur, aujourd'hui, sa position, c'est quoi? Comment? Le directeur de Sirtech. Bah, lui, il est pour la reconstruction, parce que bon, il n'y a pas longtemps qu'il était arrivé, en plus, il est arrivé au mois de novembre. Mmh. Et c'est vrai qu'on avait réussi à avoir un directeur humain. Ouais. Parce que les autres, ça n'a pas été le cas. Et mais bon, bah, il était tombé dans le moment où. Parce que alors qu'on avait un sacré chiffre d'affaires et tout. Mmh. D'accord, ouais, est-ce qu'il y a du chiffre d'affaires, il y a tout. Donc, alors, justement, les questions sont bien là. Pourquoi pas de reconstruction? Si le chiffre est là, les clients sont là, donc les commandes sont là. Il y avait des commandes en attente, je suppose, en plus. Ah, oui, tout à fait, oui. Ouais. Et du coup, elles sont pas honorées. Qui va les fabriquer? Alors, du coup, c'est composant. Non, je sais pas, parce qu'on a appris que plusieurs clients partaient ailleurs. Mmh. Donc, on ne sait que ça, c'est par des bruits qui courent. Hein, donc, ouais, après les bruits qui courent, faut pas toujours écouter tout ça. Ouais. Comment ça se passe avec la mairie aujourd'hui, monsieur le maire? Parce qu'c'est lui qui avait aidé, je crois, l'usine tout au début à s'implanter à Saint-Yves. Quelle est la relation avec la mairie? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, avec nous, il est à 350%, mais avec le groupe, il n'a plus aucune nouvelle de quoi que ce soit. Mais qui peut vous aider aujourd'hui concrètement? L'État français peut-être? Bah, l'État, parce qu'il fait quand même partie à 30% de Tikeo As Capital. Mmh. Donc il y a quand même Airbus, Dassault, tous nos clients. Mais en fait, on a abandonné. Il faut pas abandonner. Est-ce qu'on devrait pas? Eux, ils nous abandonnent. Ah oui, pas, eux, non. Vous abandonnez. Nous, on lâche pas, nous. Peut-être écrire une lettre à l'Élysée, je sais pas. Moi, je dis. On l'a fait. À Monsieur le Président de la République. On a écrit à Monsieur Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il dit quoi? Une réponse? Aucune réponse, ni de la part de l'Élysée, Monsieur Macron. Non, aucune nouvelle. Ouais, c'est bizarre quand même qu'on vous laisse un peu sur le bas de la route comme ça. Une usine qui travaille pour l'armée, c'est énorme quand même. Ah oui. On pense que c'est plus l'argent qui les intéresse que l'humain. Hein. Mmh. Mais aucune réponse en vous disant bah, on va pas réouvrir parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci. Non, il n'y a rien du tout, même pas un petit aperçu de ce qui pourrait se passer si jamais il n'y avait pas d'ouverture prévue. On pourrait vous dire, bah, nous on veut pas ouvrir parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, non? Les assurances, ça va fonctionner ou pas? Est-ce qu'il y a des nouvelles là-dessus? Les assurances, ben, il y a bien un expert qui a été nommé là dernièrement, donc on n'en sait pas plus et on ne nous en dit pas plus. Donc là, pour le moment, bah, vous cantonnez malheureusement devant l'usine Sirtech à Saint-Yves. C'est ça. C'est tous les jours, vous êtes là-haut? Eh ben, on essaie d'y être tous les jours, oui. Là, aujourd'hui, nous n'y sommes pas parce que bon, c'est le temps. Mmh. C'est vrai que... Mais bon, on en reprend. Et par contre, nous avons une réunion le 13 juin avec le nouveau PDG. Ouais. Donc, on a une réunion de CSE, mais vu leurs questions qui nous posent... C'est vraiment des questions minimes, quoi. Le déplacement de l'Algéco, des trucs comme ça, quoi. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt motivé ou alors découragé? Justement, comme vous n'avez aucune réponse, ça doit être quand même pesant, navrant, d'essayer d'avoir des contacts avec les actionnaires, la direction via PCB du groupe, là, justement. Ça vous motive, ça vous démotive? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vous aider concrètement? Les pouvoirs publics, tout ça, mais on ne lâche rien du tout, par contre, hein, on se démotive pas. D'accord. On vient au bout. Eh ben, on vous souhaite plein de bon courage, Marie-Laure, et puis tous les gens qui bossent là-haut, en espérant qu'on trouve des solutions. Ben, on espère. Ouais, ça serait bien que les actionnaires vous contactent quand même. Et puis, au moins vous disent ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent pas faire. Ça serait bien. Parce que ça serait bien pour tout le monde, même pour moralement. Pour le moral, bah oui, c'est pas bon non plus. C'est compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Eh bien, Marie-Laure, on essaie de mettre une petite pierre à l'édifice ce matin, une petite goutte dans l'océan peut-être, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais, Marie-Laure. Bah, plein de bon courage. Très gentil à vous. Eh bah, plein de bon courage, et puis on passera voir ton endroit pour prendre des nouvelles. D'accord, ok. Merci, Marie-Laure, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, Marie-Laure en direct sur Radio Arc-en-Ciel, Certec, je vous rappelle l'usine qui avait brûlé le 30 janvier dernier. Looking down on you, girl. In my heart, you're the only one in my heart.

t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, t'aimer. Adhérents de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. You are to be my, you'll be my, I'm gone.